je sais que trop de mal, mais il le fallait. Tu sais que j'ai promis au daron son palais. La go a voulu me pister, assis sur coin comme un piqué. Dealer qui me hait, eh oui, je savais, fallait tous les éviter. La go a voulu me pister, assis sur coin comme un piqué. Dealer qui me hait, eh oui, je savais, fallait tous les éviter. J'fais du sale sur la mélo, ça joue trop vite les Pablo. On a la baraka, ça vient de Gaza, dis-leur que c'est cadeau. Dis-moi mi amor, dis-moi si j'ai tort. T'as joué la face cachée pour mon trésor. Dis-moi mi amor, t'es rempli de remords. T'as fini solo, moi j'ai pété le score. من ولا قالت امي عشرت من ولا تجيب البلا كون جيف لباسي وتعالك شوف الحلا ما كانش المال عاونا صبر بالصلا غادي جاي بحال السيريفر عطاي بحالو بحال الليفرر تيج تجارة في ايفيتين جيب طرون جار السيكتر ايفيتين ابو موني ابو موني كيب تشاك ابو موني